Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. La science CQFD, Natacha Triou. En Europe, en 40 ans, le nombre d'oiseaux des champs a chuté de près de 60%. Une étude d'une ampleur inédite identifie les causes de ce déclin. Quelles sont les raisons de cette disparition? En 1962, l'écologue et biologiste Rachel Carson craignait des printemps silencieux. Aujourd'hui, une vaste étude confirme ses craintes. Pendant 37 ans, sur plus de 20 000 sites dans 28 pays européens, les chercheurs ont référencé 170 espèces d'oiseaux. Les chiffres de cet effondrement sont impressionnants. Plus l'agriculture est intensive, plus les populations d'oiseaux diminuent. C'est la cause principale devant le réchauffement climatique. Alors, comment enrayer cette tendance ? Effondrement des oiseaux, du plomb dans l'aile. Frédéric Giguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ornithologue, professeur en biologie de la conservation au Muséum national d'histoire naturelle. Nous sommes en ligne également avec Benoît Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de la conservation au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes tous les deux auteurs de cette étude qui vient de paraître dans la revue PNAS le 15 mai dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter chaque jour pour notre live tweet où nous postons toutes les sources qui ont nourri cette émission. C'est dès maintenant @sciencesCQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de vos résultats, de comment se fait le suivi des oiseaux sur le long terme et des solutions qui fonctionnent. Pour commencer, quels sont les impacts des pesticides sur les populations aviaires? La question se pose dès 1954, c'est notre archive du jour. Que pensez-vous des répercussions que peuvent avoir sur la vie des oiseaux les saupoudrages, les épandages d'insecticides sur de vastes territoires comme ceux auxquels on procède actuellement en France? Là également, il y a un nouveau danger qui menace la vie de nombreuses espèces et ce qui est particulièrement regrettable, c'est qu'il s'agit d'espèces insectivores utiles à l'agriculture. Sait-on exactement quel est l'effet des poisons sur les oiseaux? On ne sait pas encore quel est l'effet exact des produits chimiques employés sur la biologie des oiseaux. Il semble qu'on n'ait pas eu à enregistrer souvent de cas d'intoxication brusque. Par contre, on ne sait absolument rien jusqu'à présent des cas d'intoxication possibles au point de vue chronique. Or, je n'ai pas besoin de vous rappeler que les intoxications chroniques sont beaucoup plus dangereuses que les intoxications brutales et surtout lorsqu'il s'agit d'oiseaux qui peuvent subir cette intoxication de génération en génération. Je crois qu'il est très grave de faire intervenir dans la nature des facteurs si brusques de déséquilibre. Il ne faut pas se dissimuler que le rôle des oiseaux en agriculture pour la destruction des insectes, et l'on sait qu'il y a beaucoup plus d'insectes nuisibles que d'insectes utiles, ce rôle des oiseaux ne peut être remplacé par rien, car il procède précisément d'un équilibre naturel remarquable. Là où il n'y a pas d'insectes à détruire, il n'y a pas d'oiseaux. Roger Haim, directeur du Muséum national d'histoire naturelle en 1954. À cette époque, Frédéric Giguet, on ne sait pas encore quels sont les effets de ces produits chimiques sur les oiseaux, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Oui, et pourtant, on aurait pu s'en douter. Si on met dans la nature des molécules qui tuent des animaux, elles tuent des animaux. C'est intéressant d'entendre l'analyse qui est faite sur la manière dont en fait ces produits peuvent rendre malade ou tuer directement, alors une maladie chronique ou subite, ces animaux. Mais l'effet en fait le plus direct va être par exemple que si on met des insecticides et qu'on réduit énormément le nombre d'insectes, les oiseaux se nourrissant d'insectes, ils vont simplement mourir de faim, pas forcément mourir de maladie. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu et faire que depuis qu'on a commencé à intensifier nos productions agricoles, les populations d'oiseaux diminuent, notamment dans les champs. Benoît Fontaine, une réaction vous aussi à cette archive? Bah, je trouve ça assez fascinant de voir que Roger Hame, donc, qui était le directeur du muséum, il a en fait le même discours que Rachel Carson, qui a écrit un Printemps silencieux, là, qui a été un livre majeur. Et il pointait déjà le fait que les pesticides, c'était un problème pour la biodiversité. Et comme vient de le dire Frédéric, c'est pas étonnant. Hein, les pesticides, c'est des produits qui sont conçus pour tuer des êtres vivants, et ça marche très bien. Alors votre étude, à tous les deux, en montre à nouveau que la chute des populations des oiseaux en Europe et en France est vertigineuse. Avant de parler des causes et de vos méthodes d'analyse, parlons des chiffres. Frédéric Giguet, quels sont vos résultats ? C'est une analyse donc qui concerne toute l'Europe, sur les 170 espèces les plus communes de nos oiseaux. Donc on ne parle pas d'aigles très rares, de cigognes ou de choses comme ça. On parle de moineaux, de mésanges, d'alouettes, de petits oiseaux très communs, les hirondelles, les coucous, qu'on connaît souvent tous, qui sont assez abondants. Et finalement, si on ne les compte pas, on ne s'aperçoit pas qu'il y en a un petit peu moins chaque année. Voilà. Et les chiffres sont éloquents. Donc là, c'est une analyse qui met en commun les jeux de données de tous les pays d'Europe au sens géographique, sur 170 espèces, et sur les 37 dernières années, on arrive à une diminution globale de 800 millions d'oiseaux sur cette période-là. Alors, c'est un chiffre, c'est un ordre de grandeur, c'est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Là, c'est juste pour provoquer une sorte de prise de conscience. Il faut imaginer qu'on a écouté tout à l'heure Monsieur Hame, et que dès cette époque-là, les populations d'oiseaux ont commencé à diminuer. En fait, il y a des pays en Europe qui ont des jeux de données beaucoup plus anciens, et le déclin commence à partir du moment où on compte. En France, on a commencé à compter en 1989, le déclin des oiseaux commence en 1989. Voilà. Donc c'est un processus qui est en place depuis très longtemps, et je suis sûr que nos auditeurs, s'ils sortaient un peu dans la nature, s'ils ont un certain âge et qu'ils se souviennent quand ils étaient jeunes, voir des hirondelles dans les fermes à la campagne, aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher les hirondelles pour en retrouver. Il y a beaucoup de fermes où on en voyait étant jeune, où il n'y a plus d'hirondelles aujourd'hui. 800 millions d'oiseaux en moins par rapport à il y a 40 ans, hein, soit 20 millions en moins d'une année sur l'autre. Benoît Fontaine, quelles sont les espèces les plus touchées ? On évoque à l'instant les hirondelles, mais voilà, pour faire ce panorama de cette disparition. Il y a énormément d'espèces qui sont très touchées, et je pourrais en citer plusieurs, mais on pourrait parler par exemple du pipi de Farlouze, qui est un oiseau assez banal, insignifiant, marron, qui ne ressemble pas à grand chose, et l'espèce en France qui a le plus décliné en milieu agricole. C'est-à-dire c'était une espèce très commune. Et aujourd'hui, depuis l'an 2000 à peu près, depuis 2001, elle a perdu 70% de ses effectifs. Donc des espèces auxquelles on ne faisait pas attention, parce que c'est des espèces banales, on se rend compte qu'on perd donc là les deux tiers des effectifs en 20 ans à peu près. C'est vraiment une hécatombe. Enfin, c'est un massacre qui est en train de se passer. Et donc, alors le pipi de Farlouze, c'est le cas un peu extrême, mais la linotte, la tête de linotte, là, le petit oiseau à la poitrine rose, est aussi en fort déclin. Les hirondelles dont parlait Frédéric. Beaucoup d'espèces sont en déclin. Le pipi de Farlouze, en effet, c'est le pire pour les oiseaux insectivores et agricoles. Voilà, l'analyse qui a été faite a aussi permis de regarder quels étaient les traits de vie, les caractéristiques des espèces qui augmentaient ou qui se portaient le plus mal. Et effectivement, si on vit en milieu agricole, si on est spécialisé dans des milieux agricoles, c'est-à-dire qu'on a besoin de milieux ouverts, de champs, de prairies pour vivre, et si on est surtout insectivore, ben c'est là qu'on est le plus impacté par les facteurs qui touchent les populations d'oiseaux. Et parmi ces facteurs, le principal, ce sont les pesticides et les engrais. Oui, c'est-à-dire que les oiseaux subissent un déclin dans presque tous les milieux, mais ce sont dans les milieux agricoles qu'il est le plus prononcé, ce déclin. Exactement, et qu'il continue, parce qu'on avait aussi espoir. On voyait en fait les courbes de déclin qui se ralentissent, mais on comprend que quand on a 100 oiseaux et qu'on en perd 20%, on passe à 80%. Quand on a 80 oiseaux et qu'on en perd 20%, on en perd 16, etc. Donc petit à petit, cette courbe semble se ralentir en termes de nombre d'oiseaux qu'on perd, mais la proportion est la même. Et donc on a un déclin qui continue toujours avec la même ampleur. Alors on a parlé d'interdiction de néonicotinoïdes, mais peut-être pas pour la betterave, etc. Mais quand une molécule disparaît, il y en a de nouvelles qui les remplacent, qui ont été testées en laboratoire, mais sur des insectes, sur éventuellement des poules, des choses comme ça, mais sans qu'on maîtrise complètement les effets cascades et les effets cocktails qui peuvent avoir lieu en plein champ. En revanche, dans cette étude, c'est le triomphe des espèces généralistes. Benoît Fontaine, au milieu de cette liste d'espèces déclinantes, on voit, en revanche, le pigeon ramier, la fauvette à tête noire qui, elles, vont bien. Voilà, alors ça, c'est un phénomène qu'on constate un peu partout dans le monde, enfin, en cette période dramatique pour la biodiversité. Il y a énormément d'espèces qui déclinent. Et les espèces qui déclinent, en général, c'est des espèces qui ont des besoins assez stricts, assez précis. Elles ont besoin d'un type d'habitat pour se reproduire, pour se nourrir, d'une sorte de nourriture. Elles sont spécialistes d'une ressource. Et si cette ressource disparaît, l'espèce n'arrive plus à survivre et décline. Et la plupart des espèces sont généralistes. Donc le pouillot siffleur, il va aimer les grandes futaies, les vieilles forêts. L'alouette des champs, elle a besoin de zones qui lui rappellent les steppes où elle vivait avant qu'il y ait de l'agriculture. Donc les zones de céréales, par exemple. Ces espèces peuvent pas vivre dans d'autres milieux. Et par contre, on a des espèces qui, elles, ne sont spécialistes de rien, s'adapte à tous les habitats. Et par exemple, le pigeon ramier que vous avez cité est un bon exemple. C'est une espèce qu'on va trouver au cœur des grandes villes. Au cœur de Paris, il y a beaucoup de pigeons ramiers. On va le trouver dans les forêts de montagne. On va le trouver en milieu agricole, au bord de la mer, partout. C'est une espèce qui est pas très performante, qui est moins performante que les espèces spécialistes dans les milieux dont ces espèces sont spécialistes. Mais par contre, elle est un peu performante partout. Et donc, elle tire bien son épingle du jeu. Et c'est une espèce qui est en augmentation. Et donc, on a quelques espèces qui sont généralistes, qui sont globalement en augmentation, et beaucoup d'espèces spécialistes qui diminuent. Et ce que ça provoque, c'est une uniformisation des faunes. En fait, au lieu d'avoir dans chaque type de milieu des espèces spécialistes qu'on ne va pas trouver ailleurs, on va plus trouver que des espèces généralistes partout. On va trouver en montagne ou au bord de la mer les mêmes espèces qu'au cœur de Paris, par exemple. Oui, ces espèces. En caricaturant un petit peu. Ces espèces passent partout selon vos travaux, hein, ont progressé de 19% depuis 1989. Et donc le pigeon ramier, hein, qui double ses effectifs depuis 2001, comme vous venez de dire, ça a pour conséquence une uniformisation de la biodiversité. Et il faut comprendre que s'ils augmentent, ces généralistes, c'est aussi parce qu'ils peuvent occuper la place laissée vide par les spécialistes. Un spécialiste de vieille forêt, de futaie, si on décide qu'on a besoin de plus de bois pour changer de type d'énergie, pour se chauffer l'hiver, on va couper plus d'arbres, la forêt rajeunit, il y a moins de vieilles futaies, donc les espèces qui ont besoin de vieux arbres vont diminuer localement, et celles qui peuvent aussi bien vivre avec de vieux arbres que de jeunes arbres vont pouvoir occuper leur place. Donc c'est ce phénomène de remplacement et d'uniformisation qu'on observe. Selon votre étude, l'agriculture intensive est identifiée comme la cause principale du déclin des oiseaux des champs. Pour la première fois, ces travaux européens parviennent à établir une hiérarchie générale des causes du déclin des populations aviaires. On va revenir sur votre méthode, mais pourquoi l'agriculture intensive est la principale responsable de ce déclin, Frédéric Giguet? Alors, on sait que l'agriculture intensive, ça englobe un grand nombre de paramètres. On mécanise. Comme on a des outils très performants, on ne veut pas travailler sur de petites parcelles, donc on agrandit la taille des parcelles, on arrache des haies qui sont des obstacles à ces grandes parcelles. On a de nouvelles variétés de plantes qui poussent plus vite, à plus forte densité, mais qu'on va aider, parce que pour qu'elles produisent plus, effectivement, on est avec des variétés qui ont besoin d'apport, d'engrais, de croissance à tel stade, et on va comme ça changer tout le système, intensifier pour produire plus à manger. Ça a été les conséquences de la politique agricole commune et pour avoir une autonomie alimentaire en Europe et pouvoir exporter. Donc ça, on peut arriver à le comprendre. Mais du coup, on est arrivé à un système où l'ensemble de ces facteurs d'intensification ont réduit énormément la place de la nature dans les champs, avec des sols labourés, travaillés, des prairies retournées pour planter encore plus de céréales. Pour caricaturer, on avait une prairie avec des vaches. Maintenant, on va mettre les vaches dans une étable, parce que c'est plus facile à gérer, on peut en mettre plus. Et puis cette prairie, on va, plutôt que de faire pâturer les vaches, on va la semer engraminée où on va pouvoir faire 3 fauches d'herbe pour nourrir les vaches qui sont à l'étable. Mais pour semer cette prairie, on laboure le sol, donc on détruit les pompes d'insectes. On a une seule variété d'herbe et on n'a plus plein de fleurs, donc on a beaucoup moins d'insectes, de papillons, etc. Et donc beaucoup moins d'oiseaux. Mais comme on fauche cette herbe régulièrement, les oiseaux pondent leurs œufs et les nichées sont détruites. Voilà. Et on rentre comme ça dans un système d'exploitation intense qui réduit considérablement la place de la biodiversité. Alors, l'originalité de cette étude, parce que ça fait longtemps qu'on publie ces résultats avec les données françaises ou européennes pour dire les oiseaux sont en déclin, les oiseaux communs, l'agriculture intensive est une cause majeure, etc. Là, l'originalité, la particularité, c'est qu'on a aujourd'hui des modèles statistiques et des moyens informatiques pour décortiquer les facteurs qui influencent ces populations, les variations du nombre d'oiseaux, et notamment essayer de rechercher un peu les causes de déclin. Par exemple, on va dire qu'on a, alors on est à l'échelle de l'Europe, on a tous les pays, on a des dizaines de milliers de sites, et on a des sites très contrastés, de la forêt, de la ville, des champs, des prairies, des grandes cultures, en Espagne, en France, et donc plein de situations très différentes qui vont nous permettre de regarder précisément si c'est la taille des parcelles, ou les pesticides, les engrais, ou la présence de haies, ou le type de culture, etc., ou le climat, ou le type d'urbanisation, la présence d'arbres, qui, indépendamment les uns des autres, vont expliquer les variations de population d'oiseaux. Et donc, grâce à ces modèles statistiques, on peut arriver à découpler les effets de ces différents paramètres. J'ai oublié le climat, mais on a bien sûr pris en compte l'élévation des températures. Et on peut arriver à dire, globalement, lequel de ces paramètres a le plus d'influence indépendamment des autres. Alors, sur quelles données s'appuie cette étude? Plus spécifiquement, quel a été le protocole scientifique et le plan d'échantillonnage? Restez avec nous, on répond à ces questions. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h17 sur France Culture, avec Frédéric Giguet et Benoît Fontaine, nous parlons de votre étude sur la disparition des oiseaux en Europe et en France. Nous venons de voir que les populations d'oiseaux souffrent d'un cocktail de pression, mais vos travaux concluent que l'effet néfaste dominant est l'augmentation de la quantité d'engrais et de pesticides par hectare, Benoît Fontaine. L'impact de l'agriculture sur les oiseaux est plus fort quand les exploitations sont de plus grande taille. Alors effectivement, quand les exploitations sont de plus grande taille, c'est plus néfaste. Mais en fait, la taille des exploitations, elle est directement liée à la mécanisation, à l'industrialisation de l'agriculture. En fait, sur des petites exploitations de quelques hectares, on peut pas avoir des grosses machines. Il y a des petites parcelles, etc. Enfin, on fait de l'agriculture plus à l'ancienne. Et souvent plus respectueuse de la biodiversité, qui est pas du tout. Alors c'est pas du tout, quand je dis c'est une agriculture plus à l'ancienne, c'est pas du tout pour dénigrer ce modèle agricole qui, au contraire, à mon avis, est riche de promesses. Mais donc le fait d'avoir des très grandes parcelles, on essaye de rentabiliser les machines agricoles qui sont utilisées pour cultiver ces parcelles coûtent très cher, donc il faut pas perdre le moindre espace, donc on coupe les haies. Tout à l'heure on a parlé de tous les facteurs qui font que l'agriculture actuelle est mauvaise pour la biodiversité, le remembrement qui visait à augmenter la production et à rendre l'agriculture plus rentable a été catastrophique pour les oiseaux et pour la biodiversité en général, notamment parce qu'on a arraché toutes les je sais plus ce que je voulais dire. Frédéric Giguet. Oui, il faut pas se focaliser sur les oiseaux. On est effectivement, nous, ornithologues, et c'est notre sujet d'étude. S'il y a plus d'oiseaux, c'est pas grave. Il va rester des mammifères, des chauves-souris et des papillons. Non, il y a plus d'oiseaux parce que ils sont en bout de chaîne alimentaire aussi. Ils représentent tout un cortège, toute une chaîne trophique, et ils sont le témoin de cette dégradation de toute la chaîne trophique. Oui, ça représente bien ce qui se passe en dessous, finalement. Ça représente en grande partie ce qui se passe en dessous. En tout cas, c'est un des témoins qui permet de l'illustrer. Toujours sur l'intensification des pratiques agricoles, selon votre étude, les Pays-Bas, la République tchèque, l'Irlande et la France sont les pays européens où l'intensification des pratiques a le plus fortement progressé ces dernières années. On est dans des situations un peu différentes aussi. Alors, d'anciens pays de l'Est, mais ça fait déjà un petit moment pour la République tchèque. Mais on voit aussi un changement avec ces pays qui avaient des systèmes agricoles beaucoup plus communautaires et qui sont rentrés dans le système européen et la politique agricole commune. Un effondrement des populations d'oiseaux qui a eu lieu dans les années 90-2000, alors que chez les vieux pays de l'Europe, entre guillemets, ça a eu lieu dans les années 60 et 70. Mais effectivement, on fait partie des pays à plus forte production agricole où l'intensification a été la plus marquée. Parlons maintenant de votre méthode et de l'importance des sciences participatives. Ce jeu de données est collecté grâce à tout un réseau de bénévoles, c'est de la science participative, Frédéric Gillet. On peut revenir sur l'historique de la création du STOCK, le programme de suivi temporel des oiseaux communs. Ça c'est important parce que côté France, c'est ce jeu de données-là qui a été utilisé pour cet article. Oui, et là, c'est une bonne occasion pour moi de remercier tous les participants à ce programme. Hein. C'est des milliers d'ornithologues bénévoles qui vont compter les oiseaux. Il y en a sûrement qui étaient sur le terrain ce matin pour compter leur site. Et pour raconter un petit peu l'histoire, c'est lié à mon arrivée au muséum. En fait, je suis recruté à la fin de l'année 2000 pour relancer ce programme qui s'appelle STOCK, suivi temporel des oiseaux communs. Et donc, je sors de ma thèse que j'ai faite dans l'ouest de la France sur un oiseau qui vit en milieu agricole. Je suis ornitho passionné d'oiseaux depuis tout petit. J'ai plein de copains ornithologues un peu partout en France qui travaillent dans des associations, qui font du terrain. Et on me prend pour ce poste, pour relancer ce réseau. Il faut réfléchir à une mise à jour du protocole. Anciennement, de 1989 aux années 2000, il y a eu un programme qui était coordonné en partie par le muséum, mais plus à partir de 1994, où des ornithologues pouvaient choisir leur site et ils faisaient des points d'écoute le long de ce site. Et moi, je regarde ce qu'ont fait tous les autres pays européens. On veut lancer un programme un peu plus standardisé, avec un protocole scientifique bien calé. Et donc, on impose déjà un tirage au sort des sites où les gens vont aller voir les oiseaux. Ils ne vont pas choisir un coin sympa. Il y en a qui vont se retrouver sur des zones avec des échangeurs d'autoroutes, en plein cœur des villes, s'ils habitent près d'une ville, etc. Et les gens jouent le jeu. Ils vont suivre la nature ordinaire. Une méthode de comptage, donc c'est des points d'écoute de 5 minutes, 10 dans un carré de 2 km sur 2, qui vont être faits chaque année par la même personne, aux mêmes dates, deux fois par printemps. Et c'est cet échantillonnage répété de la même manière chaque année qui a permis d'avoir des comptages comparables d'année en année. Et c'est l'addition de ces milliers de comptages qui permet de voir si systématiquement on a tel oiseau qui diminue ou augmente. Et si c'est dans les conditions où l'agriculture est intensive ou pas, où il y a de la forêt, où il y a eu construction urbaine ou pas, etc. Et c'est comme ça qu'on a construit ce réseau. Deuxième étape hyper importante, ce qui n'avait pas marché après 89, c'était de l'animation. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur un grand nombre de personnes qui ont pris le relais au niveau départemental ou régional pour monter le réseau, trouver des observateurs qui allaient sur le terrain en disant « Allez, on y va, on n'a pas ce jeu de données en France, en tout cas pas à l'échelle où il faudrait, on va aller compter ces oiseaux pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'on gagne des oiseaux ?» Et ça s'est mis en place assez vite. En 2 ans, on avait toute la France couverte et plus d'un millier d'ornithologues. Je le redis, je n'aime pas le terme amateur parce qu'ils ont des compétences pour moi vraiment professionnelles. Je dis toujours, quand vous allez dehors faire un point d'écoute, si vous allez écouter des oiseaux en forêt, vous devez noter toutes les espèces que vous voyez, que vous entendez, que vous ne reconnaissez pas, la moitié des chants d'oiseaux entendus, c'est très vite très pénible et frustrant. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont se former, puis qui vont y aller plus tard, mais on a des gens qui ont de super compétences et qui comptent les oiseaux tous les ans. Oui, c'est comme ça que le jeu de données commence à devenir conséquent, énorme, hein, ça dure depuis 1989. Benoît Fontaine, sans la science participative, sans faire appel aux citoyens, on ne pourrait pas avoir cette si grande couverture spatiale et temporelle ? Voilà, une des grandes vertus de ce genre de programme, c'est d'assurer un suivi à des échelles. Benoît Fontaine, on vous reçoit très très mal, la connexion est mauvaise, on va essayer de vous rejoindre dans quelques instants, mais Frédéric Giguet, pour reprendre sur les vertus justement de la science participative. Oui, alors, et aussi pour préciser, depuis quelques années, c'est Benoît qui a repris la coordination du programme au Muséum. Donc moi, je m'en occupe pour la partie un petit peu scientifique, mais plus directement en tant qu'animateur du réseau. Ce que veut dire Benoît, c'est que du coup, ces milliers d'observateurs sur toute la France, dans des sites tirés au sort, ça permet d'avoir des situations contrastées, tout type d'habitat, tout type de situation, réparties au cours de l'année, partout en France, et donc de pouvoir regarder, comparer tous ces contrastes au fil du temps, parce qu'on a des sites. Alors certains vont compter pendant 3 ans sur un même site, mais après déménager, c'est pas grave, ils recommenceront un site ailleurs. Ce jeu de données va contribuer pour ces 3 années-là. On a des personnes qui comptent le même site depuis 20 ans, mais s'ils arrêtent et qu'ils partent ailleurs et qu'ils font un autre site ailleurs, il n'y a pas de souci, ça contribue à la continuité de la récolte des données. Autre vertu de ces programmes, c'est le fait de participer à ces observatoires, c'est aussi une façon de sensibiliser les publics. C'est bien sûr une façon de sensibiliser au niveau associatif. Après, on est ravis de pouvoir faire des émissions comme la vôtre aujourd'hui pour parler des résultats. Nous, notre rôle après scientifique, c'est aussi de valoriser cet effort de collecte de données de la meilleure manière possible. Donc là, l'étude, elle a été réalisée par un étudiant sous la direction de Vincent De Victor. Vincent De Victor, c'est le premier étudiant que j'ai encadré en thèse au Muséum dans ma carrière, qui a travaillé sur le même jeu de données, mais plus sur des questions changement climatique, et qui aujourd'hui continue à travailler, à essayer de mobiliser l'opinion pour cette prise de conscience qui tarde quand même. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais les oiseaux communs, comme les autres, sont en déclin et vont mal. Et on a identifié les principales causes de ce déclin. Benoît Fontaine, on vous a récupéré. Pour insister encore sur l'importance de ces données et de ce suivi, le jeu de données du stock a permis de sortir de nombreux articles scientifiques régulièrement. Oui, il y a eu effectivement, dans tous les programmes de sciences participatives qui sont gérés par le Muséum, le stock c'est vraiment le plus productif, c'est aussi parce que c'est le plus ancien. Et il y a eu beaucoup de travaux très importants. Décidément, on n'a pas de chance avec Benoît Fontaine. Il doit être quelque part dans une forêt. Je crois que Frédéric Giguet, vous êtes à mes côtés, voilà. Vous pouvez répondre vous aussi à ces questions. Il y a eu beaucoup de travaux, on a balayé un certain nombre de thématiques. La chance qu'on a eue, c'est qu'au Muséum, ce programme a été relancé dans un contexte de laboratoire de recherche. Donc notre objectif, c'était certes de collecter ces données, mais c'était aussi et surtout de les valoriser et de construire des analyses, des modèles, des collaborations avec des collègues étrangers. Ça se faisait pas tellement avant les années 2000. On a été parmi les premiers à aller dire à nos collègues... Alors, les Anglais faisaient beaucoup de choses dans leur coin. Les Suédois faisaient beaucoup de choses dans leur coin. Ils avaient commencé dans les années 60, eux, leur comptage d'oiseaux standardisé. Et nous, on a assez rapidement proposé de rassembler les jeux de données pour les analyser en commun, avec des moyens humains, puisqu'on était chercheurs, avec du temps, puisqu'on pouvait décider des thématiques de recherche qu'on allait développer, pour analyser tout ça. Et on a assez rapidement sorti les premières analyses qui expliquaient que les oiseaux agricoles étaient les plus en déclin à l'échelle européenne. Que les espèces qui avaient le moins souffert de la canicule de 2003 en France, qui a été quand même assez terrible, en fait, on se rappelle de l'été très chaud, mais il y a surtout un printemps avec des anomalies de température très très élevées, supportables pour nous, mais qui ont impacté les populations d'oiseaux. Et on a montré, on parlait de spécialistes et de généralistes tout à l'heure, les oiseaux qui supportent une plage de température assez réduite, qu'elle soit élevée, ou faibles, des oiseaux que de montagne ou que méditerranéens, ont souffert de ce printemps 2003 parce que ils sont spécialistes de quelques températures, il y a plus de chances qu'on sorte de cette plage de tolérance. Et les oiseaux généralistes en termes de température, les généralistes thermiques, n'ont pas souffert de la canicule de 2003. Voilà, ce sont des tas d'études comme ça qu'on a lancées. Et aujourd'hui, on bénéficie aussi de collaborations à l'échelle européenne, voire même au-delà. On a un article qui est sorti il y a quelques années sur la réponse des oiseaux au changement climatique est similaire sur le continent nord-américain et en Europe, avec des populations d'oiseaux qui se déplacent petit à petit vers le nord. Alors, ce n'est pas les mêmes oiseaux qui migrent, hein, c'est que les populations plus au nord se portent mieux et celles du sud s'éteignent petit à petit. Mais voilà, on a comme ça un réseau de collaboration scientifique qui nous permet d'avoir cette puissance d'analyse sur ce jet de données. Oui, tout ça, ça illustre bien l'importance de ces données, de ce suivi. Bah, pour revenir sur cette étude PNAS, ce qui est nouveau, c'est le fait que ce soit une étude européenne, faite avec de nouvelles approches statistiques. Frédéric Giguet, pour la première fois, vous parvenez à établir donc une hiérarchie générale des causes du déclin des populations. Comment, plus précisément, y êtes-vous parvenu ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des modèles statistiques et des régressions, etc. Mais pour expliquer de manière un petit peu illustrée, on va dire que c'est grâce à de nouveaux outils statistiques très complexes qui vont regarder les corrélations entre les facteurs explicatifs. Intensification agricole, on en a un petit peu parlé, ça veut dire parcelle plus grande, mécanisation, nouvelles variétés de semis de plantes qui poussent plus vite, qui sont plus denses au sol, donc moins de place pour passer pour faire son nid, une moindre diversité d'espèces dans chaque champ, plus de bordures, des engrais, des pesticides, beaucoup de molécules de pesticides qui changent avec on a eu les néonicotinoïdes récemment, etc. Et donc savoir, quand on parle d'intensification agricole, est-ce que l'alouette disparaît à cause de tels néonicotinoïdes ou parce que la densité de semis est plus forte, elle n'arrive plus à passer entre les tiges de blé, ou parce que le champ est très grand et elle a besoin de se poser sur une bordure pour rentrer dans le champ, ou parce qu'il fait un petit peu plus chaud, ou parce que sur tous les champs, il y en a 10% qui ont été convertis en zone d'habitation. Voilà. Et l'idée, c'est que on a un jeu de données énorme avec des contrastes. On a des dizaines de milliers de comptages, de points de comptage partout en Europe, donc dans des situations très contrastées, où la température a augmenté, a baissé, a été stable, etc. Et on peut regarder ce que un paramètre implique une fois que tous les autres ont été pris en considération, et indépendamment de tous les autres. Voilà. Et la nouveauté, c'est la puissance d'analyse grâce aux outils informatique et statistique disponible aujourd'hui pour arriver à décortiquer tout ça et à ressortir, du coup, indépendamment de tous les autres, quel est le facteur qui explique le plus de déclin d'oiseaux, et on tombe sur pesticides et engrais. Vous avez évalué les liens de causalité grâce à des techniques d'analyse mathématiques récentes et rarement utilisées dans le domaine de l'étude de la biodiversité. Cet effondrement des populations d'oiseaux, il est encore possible d'enrayer cette dynamique. Si les constats des suivis du stock n'ont rien de réjouissant, la situation n'est pas irréversible. Pour autant, les solutions qui fonctionnent, on les connaît, on y vient, mais pas avant d'avoir écouté la mélodie des oiseaux. We'll be right back. 16h35 sur France Culture, Birds de Chassol. Nous parlons du déclin des oiseaux et de l'étude de nos deux invités du jour, Frédéric Giguet, ornithologue, professeur en biologie de la conservation au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Benoît Fontaine, biologiste de la conservation au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum d'Histoire Naturelle. Nous venons de voir que jusqu'à présent, beaucoup de personnes minimisaient l'impact des pesticides sur la perte de biodiversité. Vos travaux disent de manière claire et catégorique que nous devons transformer profondément la façon dont nous produisons notre alimentation. Pour remédier en partie à cela, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, propose aux agriculteurs un programme d'accompagnement baptisé des terres et des ailes. Et c'est à ce programme que vous vous êtes intéressé pour le reportage du jour. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je me suis rendu à Cravant dans les Yvelines où se tient un élevage de brebis laitières baptisé les brebis de Cravant. Benjamin Chassagne et son épouse Fanny élèvent une centaine de brebis. Soucieux de préserver l'habitat des oiseaux notamment, ils ont décidé de participer au programme des terres et des ailes et de replanter des haies et des arbres. Benjamin Chassagne nous fait donc faire le tour de son exploitation et nous décrit les aménagements qu'il a réalisés pour favoriser le maintien d'une biodiversité et pour faire revenir les oiseaux. On est au pied du hangar d'élevage et on est au milieu d'une grande pièce d'herbe qui est entrecoupée de haies qui sont toutes jeunes et le tout est enserré entre deux bois qui constituent à la fois un couloir et une réserve de biodiversité autour de nous. Donc on est assez enclavé en fin de compte au milieu d'une plaine céréalière très conventionnelle, on est un îlot de verdure bio. Je crois qu'une une des premières leçons qu'on a de cette installation, c'est que on a une vision un peu orgueilleuse de se dire on va mettre en place des choses pour les oiseaux, pour les animaux, etc. Alors qu'en fin de compte, il s'arrange très très bien tout seul, c'est très amusant à observer. Et quand on a installé ce bâtiment, on a essayé de tout faire en sorte pour qu'il ait le moins d'impact possible, même si on le déconstruit, etc. Et on se rend compte à l'usage qu'il est, il s'est lui-même érigé en refuge de biodiversité. Alors là, on rentre dans un hangar. On rentre dans la bergerie, mais la bergerie qui comprend à peu près tout, puisque c'est à la fois l'espace de bergerie, de stockage du foin, des céréales. Et donc dans cette bergerie, nous avons ici des quais d'alimentation sur lesquels on distribue ce qu'on appelle les auge-trottoirs, parce qu'on peut marcher dedans. Et puis toutes les poutres, vous voyez, dans tous les angles, si on se retourne de ce côté-là, on voit les nids qui pendent de partout. Et en fait, tout est investi principalement par les moineaux, un peu aussi par les pigeons. Les moignons en ce moment pépillent à fond, et tout à l'heure on en a vu un avec une chenille qui revenait nourrir ses petits dans les nids qui sont en face dans l'autre hangar. Donc il y a une vie en tout cas en termes de moineaux et également en face de tourterelles. Le hangar à fourrage attire les tourterelles et attire également, on le voit uniquement par les traces, mais des chouettes effraies. Ouais. On retrouve des pelotes de réjection. Donc dans le hangar en face qui est moins habité par l'humain, il y a juste le petit troupeau d'agneaux qui vient le matin dans le coin ici. Mmh. Le reste, c'est du fourrage. On a fait installer un nichoir à chouette effraie qu'on aperçoit là-haut. Tout ce qu'on fait ici, et parfois ce qu'on ne fait pas, ce qu'on n'a pas l'impression de faire, sert plusieurs causes. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on a lancé un programme de plantation de haies. On a déjà planté 2,5 km. Et ces haies ont à la fois une fonction pour la biodiversité, mais également pour l'affouragement des bêtes quand elles auront suffisamment poussé, mais également pour l'infiltration de l'eau, pour l'entretien des sols, pour la réduction de l'évapotranspiration. Donc finalement, plein d'effets positifs à partir d'une seule installation, on pourrait dire. Alors c'est quel calendrier de plantation vous vous êtes fixé? Quels sont vos projets de plantation? En termes de calendrier, je crois qu'on n'a pas de calendrier précis, on est pris par le temps parce qu'on sent bien l'urgence qu'il y a à reboiser les campagnes. C'est-à-dire pas seulement des haies, c'est aussi réinstaller des bosquets, c'est réinstaller des vergers comme celui qui est juste derrière nous. Là, on a planté. On longe justement. Voilà, c'est un pré-verger. Alors, faut savoir qu'ici, à Cravant, on est aux frontières de la Normandie. Elle est au bout du village. Et donc, il y avait cette tradition des pré-vergers et beaucoup d'élevage de vaches il y a encore 50-60 ans, avant que tout ne soit remembré, plutôt démembré en vérité. Et ils ont fait sauter énormément de haies, de bosquets, et on a juste un petit résidu, ces pommiers à cidre qui sont là, qui sont encore un dernier témoin de ce qui se pratiquait énormément dans ces campagnes. Donc nous, on est parti de ce constat un peu amer de désertification et on s'est dit, il faut qu'on reboise, il faut qu'on plante à la fois des haies, mais aussi des vergers, des bosquets. Donc c'est le début, donc il n'y a pas de calendrier, on le fait aussi vite qu'on peut, en fonction de la météo, en fonction des financements aussi, parce que ce sont des projets qui sont très onéreux. Et en particulier, ça c'est un peu de notre faute, mais à cause des brebis. Parce qu'elles ont une gourmandise particulière pour tout ce qui est jeune plant, et donc ça nous demande des trésors de De protection, ah oui. Pour ruger. Et voilà. Et donc ça, c'est ça qui est le plus lourd à gérer finalement. C'est pas tellement la plante, c'est la protection. Là, on arrive sur l'autre partie, donc l'autre versant, qui est le versant, le pré de Fauche. Donc c'est pas la même, c'est pas le même espace. Pour l'instant, c'est encore une plaine très ouverte et avec une culture d'herbe qui n'est quasiment pas pâturée, qui est essentiellement fauchée. Avec l'agriculteur avec lequel on travaille pour faire le foin, on met en place ce qu'on appelle des zones de défense, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas fauchées et qui vont permettre de préserver une partie de cette biodiversité, ce qui va permettre aux oiseaux de se réfugier pendant la fauche et qui va également permettre à certains insectes de se reproduire. Parce que quand on parle oiseaux, évidemment, il faut aussi penser graines et insectes. Ce qu'on appelle le bosquet, c'est une zone dans, où il y avait une ancienne mare. Il faudrait y aller par le chemin, à la rigueur, on serait un peu plus à l'abri du vent. Il y avait une ancienne mare, et puis c'est une zone avec un très vieux chêne et des arbres qui poussent de façon très très naturelle. Et on y a installé un parc pour les brebis. Et donc ce bosquet permet d'offrir également une autre forme de refuge pour toute la faune, et en particulier les oiseaux, puisqu'on y retrouve différentes strates, des ronciers, des arbres hauts, des arbres plus bas, des arbres morts, qui servent de perchoir aux rapaces, etc. Est-ce que, depuis que vous avez enclencher ce processus-là, vous faites un peu d'ornithologie, ou est-ce que vous formez tranquillement à votre échelle à cette reconnaissance des espèces qui pourraient revenir grâce aux aménagements que vous faites ? Totalement en amateur, c'est un peu notre regret. On a un fils qui, lui, s'intéresse énormément aux oiseaux, et c'est amusant parce que c'est lui qui nous dit « Tiens, c'est tel oiseau, il les reconnaît au champ parce qu'il sait plus ». Il a consacré plus de temps. Nous, il faut imaginer que sur les 10 années qui nous ont précédés, il a fallu tout construire ici, à la fois les bâtiments, tout l'élevage qu'il a fallu monter, les réseaux de commercialisation, et ensuite tout le projet. Et tout ça est très prenant en temps. Oui, ça laisse pas forcément le loisir de faire de l'ornithologie. Exactement, et c'est notre grand regret, parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qui a été, en termes d'impact, ce qui a été positif et négatif dans notre arrivée sur ce qui était une friche. Voilà. Donc aujourd'hui, on espère pouvoir, pour revenir à la question du calendrier, continuer de planter des haies, des arbres isolés, et passer les céréales en agroforesterie dans la plaine, et puis également mettre en place des comptages, à la fois des oiseaux, des insectes, etc. Mais c'est assez compliqué à mettre en place. Vous n'êtes pas biologiste, vous n'êtes pas forcément... Non, et les ressources humaines pour faire ça ne sont pas non plus très très disponibles, parce que ce sont des protocoles très lourds, scientifiquement parlant. Antoine Beauchamp pour ce reportage. Benoît Fontaine, pour réagir à ce qu'on vient d'entendre, quels aménagements peuvent être réalisés à l'échelle d'une exploitation agricole pour refaire une place aux oiseaux ? Je crois que la réponse la plus simple, c'est qu'il n'y a pas une réponse, en fait. C'est que selon les endroits, selon les communautés d'oiseaux, on ne va pas faire la même chose. Mais en général, ce que les oiseaux n'aiment pas, c'est l'uniformité. Les grandes parcelles de céréales, où on a coupé toutes les haies autour, ils aiment pas. Parce qu'il faut de la diversité, il faut des haies, il faut des mares, il faut des vergers, il faut de l'élevage, il faut un peu de tout. Et finalement, ce qu'on montre, c'est qu'en général, ce qu'on montre notamment avec les données du stock, du suivi, c'est que les zones qui sont les plus favorables aux oiseaux, c'est les zones de polyculture élevage. C'est les zones donc souvent de petites exploitations où on fait un peu de culture, un peu d'élevage. Donc il y a des prairies de fauche, etc. Il y a des haies, il y a des arbres, et c'est ça qui convient le mieux aux oiseaux. Mais encore une fois, on peut pas faire ça partout. Ça dépend des milieux, ça dépend des besoins aussi en termes de production agricole. Mais globalement, il faut de la diversité. Frédéric Giguet, vous aussi une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Alors j'ai trouvé, je suis ravi, cet agriculteur est convaincu. Il a dit des choses, il dit qu'il n'est pas biologiste, mais il a dit des choses qui me font dire que si, il a compris énormément et qu'il a des compétences de biologiste. Quand il voit un moineau et qu'il dit qu'il vient d'arriver à son nid avec une chenille, il illustre parfaitement que alors le moineau, pour nous, ça mange des graines. Malheureusement, peut-être des miettes de pain dans les squares parisiens, là où il en reste. Mais le moineau, comme tous les oiseaux, à part les pigeons, nourrit ses poussins la première semaine uniquement avec des insectes. S'il n'y a plus de chenilles, il ne peut pas y avoir de poussins de moineaux qui s'envolent, il ne peut pas y avoir renouvellement des populations de moineaux. Tout le discours sur les haies, les prairies, qui n'ont pas simplement un rôle pour les insectes et les oiseaux, mais aussi pour la qualité des sols, l'infiltration de l'eau, etc. C'est tout ce qu'on va appeler, nous, des services écosystémiques, ce que les écosystèmes apportent comme service aux humains et tout ce qu'on va gagner en recréant ces milieux. On ne perd pas que de l'espace pour produire des cultures, on gagne en qualité des sols, en qualité des eaux, en pérennité de ces milieux. Et c'est intéressant aussi, j'ai noté, que son fils s'intéresse aux oiseaux. Donc on va recruter sans doute un jeune ornithologue pour faire des suivis sur cette parcelle. Je dis ça un peu sur le ton de la plaisanterie, mais moi je suis ingénieur agronome de formation et je suis petit-fils d'éleveur, donc je sais aussi ce que représente ce lien et l'intérêt qu'on peut nourrir à partir de ces expériences de nature et de campagne pour créer une vocation. Benoît Fontaine, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais. Alors, je suis du même avis que Frédéric. Les initiatives comme celles qui viennent nous être présentées sont très encourageantes. Il y en a beaucoup en France. Il y a d'éleveurs, d'agriculteurs qui essayent de changer les choses et de montrer qu'on peut gagner sa vie par l'agriculture, en produisant de la nourriture pour les concitoyens, que ça marche, c'est possible. Donc je ne peux qu'approuver tout ce qui a été dit, sauf une chose. À la fin, la personne qui était interviewée a dit qu'il voulait pas faire les suivis parce que c'est des protocoles très lourds. Mmh. Et là, je pense qu'il se trompe. Justement, comme c'est des protocoles qui sont destinés à des volontaires, à des gens qui font ça parce qu'ils décident de consacrer du temps à apporter des données sur la biodiversité, on a essayé de faire des protocoles qui sont pas trop lourds, justement, pour pas rebuter les gens. Et le stock, c'est alors ça demande des compétences. Hein, il faut être capable de reconnaître au champ les oiseaux communs qu'il y a autour de chez soi. Donc c'est pas insurmontable, mais il faut quand même y passer un peu de temps pour apprendre. Mais par contre, en temps, c'est 3 demi-journées par an. Donc on peut pas dire que c'est un protocole très très lourd. Alors évidemment, on est tous très occupés, les agriculteurs en particulier. Ils ont peut-être pas 3 demi-journées à consacrer aux oiseaux, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais on peut pas dire que c'est un protocole très lourd. Eh bien, c'est bien noté. Pour revenir justement sur vos données du stock et votre étude PNAS, vos travaux nous disent qu'on connaît certaines solutions, que des choses marchent, l'agriculture biologique par exemple, ou encore les zones Natura 2000, Frédéric Giguet. Exactement, et je pense qu'il faut insister sur ces faits, sur ces preuves scientifiques aussi. C'est-à-dire qu'à la fois on identifie des causes de déclin, là où ça va mal, mais par contraste aussi là où ça va mieux, là où ça va beaucoup mieux qu'ailleurs, et notamment en zone Natura 2000, alors où il y a une gestion des milieux qui est plus raisonnable et raisonnée. On avait montré avec les mêmes jeux de données à l'échelle nationale qu'on avait un effet des mesures agri-environnementales qui sont prises en faveur de la biodiversité. Donc on incite les agriculteurs à retarder des dates de fauche, à replanter des haies, avec une contribution financière de l'Europe pour ça. Et c'est dans les zones où ces mesures agri-environnementales sont mises en place que les oiseaux des milieux agricoles qui vont le plus mal se portent le mieux. Voilà. Donc on connaît des méthodes, on sait faire, on sait ce qui est favorable à ces oiseaux qui vont mal. Et maintenant, c'est une question d'échelle de mise en œuvre. Il faut se donner les moyens, tout de suite, rapidement, de pouvoir implémenter ce qui marche, mais à plus grande échelle. Pas simplement localement, ici ou là, avec des volontaires, mais d'essayer de le généraliser en essayant de l'intégrer dans les politiques publiques. Et c'est quelque chose qu'il faut démarrer tout de suite parce que c'est un processus forcément lent. Il ne s'agit pas de convertir une exploitation du jour au lendemain. Il faut transformer petit à petit, ça a un coût économique, donc ça veut dire que peut-être qu'on peut changer, transformer 5% d'une exploitation année après année pour petit à petit changer le matériel, les modes de production, les itinéraires techniques, les filières de valorisation. Donc c'est compliqué, c'est lent, ça peut pas se faire du jour au lendemain et c'est pour ça qu'il faut démarrer tout de suite. Benoît Fontaine, vous montrez en effet dans cette étude que dans les réserves naturelles, les espèces s'adaptent mieux au réchauffement climatique. Vous montrez aussi que les exploitations bio ont la plus forte biodiversité. La question qui suit, c'est comment nourrir la planète avec ce type de fermes bio? Voilà, c'est une question importante et qui est effectivement souvent opposée aux tenants de l'agriculture biologique. On dit mais sans l'agriculture conventionnelle, on peut pas produire suffisamment pour l'ensemble de la planète. Et ça, c'est une doxa qui est portée par partie des acteurs de l'agro-industrie, mais qui est fausse. Et il y a eu une grosse étude notamment qui a montré il y a quelques années, qui a été publiée dans Nature, dans une grande revue scientifique, une étude qui a montré qu'on pourrait nourrir la planète avec l'agriculture biologique à deux conditions, en réduisant énormément, pas complètement, mais beaucoup, la consommation de produits d'origine animale, et en particulier de viande. C'est-à-dire, il faut que les populations, notamment des pays développés, mangent moins de viande, et en limitant beaucoup le gaspillage alimentaire, puisque on a parfois, enfin ça dépend des produits, mais on peut avoir jusqu'à un tiers des productions alimentaires qui sont jetées finalement. Et si on limite la production la consommation de produits d'origine animale, et si on limite le gaspillage, on peut nourrir la planète avec l'agriculture biologique. En tout cas, c'est ce qui a été montré par cette étude. Et maintenant, il faut le montrer en vrai. Et encore une fois, je veux rendre hommage à tous les agriculteurs qui essayent de montrer qu'on peut le faire et qui le montrent avec succès. Alors à petite échelle pour l'instant, parce que la politique agricole commune ne favorise pas l'agriculture biologique, mais ils montrent la voie. Frédéric Giguet. Je voulais compléter aussi sur les priorités qu'on va aussi donner. On parle d'alimentation, de biodiversité, on parle aussi beaucoup de climat et de lutte contre le réchauffement climatique et d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs exemples assez flagrants qui montrent que il faut pas oublier la biodiversité, même dans un contexte où on peut avoir envie de faire ce qu'on appelle ce que certains appellent une pause environnementale, qui, à mon avis, dure depuis très longtemps, probablement l'entre-deux-guerres. Et qui est que on a parfois des actions qu'on pense justes pour protéger l'environnement ou limiter le réchauffement climatique qui sont défavorables aux espèces. Un exemple, en 2013, réforme de la PAC, on interdit les chaumes en hiver, on oblige les agriculteurs à semer un couvert vert pour tout l'hiver, et en fait on perd toutes les chaumes et les petites graines dont les linottes et les verdiers vont se nourrir tout l'hiver. Très bien, merci à vous deux. En plus, la problématique des pesticides, c'est que ça fait peser le poids de cette question sur les agriculteurs, alors que tout ça est impensable sans un accompagnement économique et sans des actions politiques fortes. Merci infiniment. Il est temps à présent de retrouver le pourquoi du comment. Une chronique signée Étienne Klein. Comment Blaise Pascal parlait-il du vide ? Blaise Pascal aurait eu 400 ans le 19 juin 2023, s'il n'était pas mort si jeune. Chacun sait que cet effrayant génie fut mathématicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien, mais on oublie souvent de rappeler qu'il fut aussi un physicien de premier plan. Il joua notamment un rôle crucial dans la fameuse querelle du vide, qui opposa dans les années 1640 les plus grands esprits, Galilée, Torricelli, Roberval, Descartes, Gassendi et j'en passe. Réalisant diverses expériences, et inventant toutes sortes de protocoles, il démontra que la prétendue horreur que la nature aurait pour le vide s'explique par les seuls effets du poids de l'air, autrement dit par l'existence de ce qu'on appellera plus tard la pression atmosphérique. Sa conclusion était ciselée comme du Praxitèle. Il écrit « Du principe que la nature a pour le vide une horreur invincible, j'ai passé à ce second qu'elle en a horreur, mais pas de façon invincible, et de là je suis enfin arrivé à la croyance du troisième, que la nature n'a aucune horreur pour le vide. » Fin de citation. Il avait raison. C'est bien la pression atmosphérique, et non quelques passions répulsives qu'aurait la nature, qui, par les forces qu'elle engendre sur n'importe quelle surface, empêche de réaliser facilement le vide au sein d'une enceinte. Si un volume se trouve évidé, le moindre orifice qui se forme dans sa surface permet à l'air ambiant d'y entrer rageusement et de le remplir aussitôt. Mais dans les pensées, le même Blaise Pascal expliquera que si l'homme n'a de cesse de se divertir, c'est par horreur du vide. N'est-il pas étonnant que ce soit un seul et même esprit, le sien, qui ait avancé d'une part que la nature n'a nulle détestation pour le vide, d'autre part que nous autres, les humains, ne supportons pas l'idée qu'il puisse coloniser notre existence. Combinant ces deux idées et poussant la métaphore, On pourrait d'ailleurs s'amuser à dire que la pression atmosphérique, qui empêche le vide de se manifester facilement dans l'atmosphère, est l'équivalent physique du divertissement, grâce auquel nous tenons le sentiment de vide à l'écart de nos vies. Mais ces deux idées se faisaient-elles seulement écho dans le cerveau de Blaise Pascal ? On peut en douter, surtout si l'on regarde l'usage que Blaise Pascal fait des mots vides et néants dans ses différents écrits. Notamment dans la correspondance qu'il eut avec un jésuite, le Père Noël, ancien maître de Descartes au collège Henri IV de La Flèche, et auteur d'un traité intitulé « Le plein du vide ». Lui prétendait que le vide ne pouvait exister, car s'il existait, étant doté d'une certaine étendue spatiale, il serait nécessairement empli de quelque matière. Il lui paraissait donc impossible de distinguer les dimensions d'avec la matière, ni l'immatérialité d'avec le néant. Dans une lettre datée du 29 octobre 1647, Pascal lui répondit ceci. « Si on demande à ceux qui pensent comme vous qu'ils nous fassent voir cette matière, ils répondent qu'elle n'est pas visible. Si l'on demande qu'elle rende quelque son, ils disent qu'elle ne peut être oui, et ainsi de tous les autres sens. Et ils pensent avoir fait beaucoup quand ils ont pris les autres dans l'impuissance de démontrer qu'elle n'est pas, en sautant à eux-mêmes tout pouvoir de leur montrer qu'elle est. » Fin de citation. Et il concluait sa missive par ces mots « Il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide que de l'espace vide au corps matériel. Et ainsi l'espace vide tient le milieu entre la matière et le néant. » Fin de citation. Le vide était donc aux yeux de Pascal un espace qui diffère du néant par son extension spatiale et qui se démarque de la matière par le fait qu'il n'offre aucune résistance au mouvement. Il se maintient quelque part entre ces deux extrêmes, sans se confondre avec l'un ou l'autre. Le vide pascalien, tout comme l'homme dans la nature, était en somme l'antre d'un entre-deux. Mais plus tard, dans les pensées, Pascal écrira que l'homme qui fait l'expérience de l'ennui sent son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Fin de citation. Pascal ne ferait donc plus là de distinction nette entre le vide et le néant, qu'il avait pourtant pris soin d'opposer l'un à l'autre dans ses écrits de physicien. Était-ce négligence de sa part ? Ou bien voulait-il davantage marquer les esprits en utilisant en l'occurrence le mot néant, plus terrifiant encore que le mot vide ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Eve Etienne, Mariam Ibrahim, Garance Prima Agnolo, Natacha Demoule, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. Vous pouvez nous podcaster à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.